Bonjour. Direct 31 décembre 2022. Est-ce que vous m'entendez? On va l'écrire. Donc, est-ce que le son est bon? Ah, il n'y a personne pour l'instant. Donc, on va attendre qu'il y ait des gens. OK, bon. Donc, ce matin, je ne sais pas si vous avez vu. Bonjour, Isia. Donc, Benoît XVI est mort. Donc, l'affaire, c'est bonjour, Lindus. Le site est en ligne. Ah oui, bon, je vais aller voir. Donc, l'affaire, c'est pas de. Comment je pourrais vous dire ça? Quelle importance ça a quand un personnage public comme ça décède? Ben, tout simplement, c'est parce qu'on peut s'en servir pour voir par rapport à une vision d'ensemble dans quel temps on se trouve un petit peu plus. Donc, ça veut dire que nous avançons dans le temps. Puis, bon, c'est quand même des choses dont on peut tenir compte par l'observation. Donc, habituellement, là, quand des personnages comme ça décèdent, c'est parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, bonjour Jean-François. J'ai peut-être pas dit bonjour à tout le monde, là, je ne peux pas toujours. Donc, bon, est-ce qu'il y avait des sujets qui vous intéressent ou que, bon, on peut jaser? En ce moment, bon, les festivités par rapport à on voit les festivités, bonjour Camille, les festivités bon, qu'il y a dans la période des fêtes par rapport. Les Juifs sont terminés. Donc, il y a des rabbins qui vont recommencer leurs affaires, leurs prêches. Donc, eux, ils attendent Mashiach. Donc, ils vont recommencer à se réjouir de, comment je pourrais dire ça, rumeurs de guerre. Pourquoi? Parce que eux autres, c'est des signes des temps à leurs yeux. Puis, oui, il y a des rumeurs de guerre. Bon. Faut comprendre là-dedans qu'il y a des gens qui s'arrangent, semble-t-il, pour que des choses se réalisent. Donc, oui, ça peut jouer, ça peut. L'affaire, c'est que ça peut venir, à un moment donné, nous concerner dans nos vies plus vite qu'on pense, s'il y a une guerre. Donc, ça peut aider de prendre le pouls un peu de ce qui se passe. Là, ce matin, j'ai regardé vite fait les journaux. J'ai vu que Benoît XVI était décédé. Puis, je n'ai pas vu vraiment d'autres nouvelles significatives. Mais bon, on peut voir ça comme le temps qui avance. Puis, possiblement, bon, ce qu'on pourrait voir comme de l'événementiel. Donc, ça crée d'un dynamisme, ça crée de l'espace. On peut se douter qu'il s'en vient des choses. Donc, bon, 2023 risque d'être une année quand même assez importante. Pour toutes sortes de raisons, là, notamment des raisons techniques. Donc, c'est on entre dans les 7 dernières années de leur plan 2030, leurs affaires 2030. Je ne crois pas que ces écrits et la Bible dataient de 2000 ans. Vous savez, c'est pour. Moi, je vous parle ce qui peut être constaté là, maintenant. Maintenant. Donc. Non, ben là, ça dépend de quoi on parle, là. Ça dépend de quoi on parle. Ben, prenez les règles, les lois. Mais les lois, bon, que suivent les orthodoxes, qui c'est quand même énorme, ça dépasse 600 lois. Si vous regardez comme il faut, au-delà de la forme, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout là-dedans pour qu'un peuple perdure dans le temps. Sont trop dénaturés, là, ben là, sans, je ne dis pas que ce n'est pas arrivé, mais il reste que, y a une certaine intelligence qui est perceptible là-dedans, puis que ça a joué dans le destin, dans le destin des nations, si on peut dire, entre autres, dans l'histoire. Donc, en tenir compte, juste s'en tenir compte, puis considérer, oui, il y a quelque chose derrière qui fait que ce qu'on pourrait appeler de la programmation. D'accord? Donc, l'affaire, est-ce que c'est écrit ici, ça, là? Moi, je vous dis par rapport à une constatation factuelle de ce qui se passe, puis de comment ça influence le destin de tout le monde, au fond. Puis là, je parle au sens de une programmation, dans le sens, les choses seraient pas comme elles sont si, il n'y avait pas eu certains petits détails qui sont lourds de conséquences. Bonjour Bernadette. Laurence, bonjour. Beaucoup de gens que j'ai jamais vus, dont je me souviens pas. Donc, je sais pas, là, on voit que, c'est un petit peu comme s'il y a de la programmation collective. Donc, c'est ça qui est intéressant, entre autres. Bonjour, Monsieur Pinard. Donc, si on le regarde, des fois, on peut voir des choses au-delà de. On peut voir qu'il y a de l'intelligence au-delà de la forme. Prenez les limules. Les limules, c'est une sorte de créature qui ressemble à un crabe. Mais ce n'est pas un crabe, c'est dans la famille des arachnides. Puis ça risque de disparaître, puis pourtant on en a besoin. On ne pourra plus faire des tests d'ADN parce que leur sang sert de marqueur pour faire des tests d'ADN. Vous savez, là, ça fait des petites cases, des choses comme ça. En Asie du Sud-Est, il y a des gens, ils mangent de la limule. Ils prennent ça, puis ils font cuire ça par le dessous. Ensuite, ils l'ouvrent, puis ils mangent les œufs qui sont dans la tête. Bon, ben, voir que. Il y a des lois très anciennes qui interdisaient de manger ça. Puis, c'est en train de disparaître, puis c'est possible qu'on puisse plus faire de tests d'ADN parce que les scientifiques sont pas capables de synthétiser le sang de l'émule qui est bleu. Donc, je te souhaite une bonne année. Ben, moi aussi, merci. Bonjour, merci pour cette vidéo de rien. Donc, de voir que c'est pas fou. C'est qu'est-ce qui fait qu'un peuple disparaît? Il y a une période quand une civilisation commence à disparaître qu'on appelle la décadence. Si on regarde les vieux livres juifs, ils ont été préservés jusqu'à un certain point de certaines choses parce qu'il y avait, ils étaient psychorigides au niveau des lois. Donc, c'est comme si on pourrait dire, il y a une raison, il y a des raisons, mais c'est juste pour dire. Il y a de l'intelligence qui va au-delà de l'individualité qui s'est exprimée là-dedans, puis ça a joué dans le destin des peuples. Comme si vous regardez ces vieilles lois-là qui disent de ne pas se tatouer la peau, un homme ne doit pas porter les vêtements d'une femme, des choses comme ça. Puis aujourd'hui, on regarde ce qu'on pourrait appeler la décadence, parce que chaque fois qu'une civilisation s'est mise à chuter, les périodes de décadence, on se rend compte que un peuple très rigide qui obéit à ça peut pas. C'est pas pareil, là. Donc, ça les préserve jusqu'à un certain point. Mais il risque, voir qu'il y avait de l'intelligence un petit peu quand même là-dedans. Là. Je ne sais pas. Bonjour, Fergus. Bonjour aux gens. Bonjour. As-tu un avis concernant la double humanité, les soi-disant reptiliens? Pas vraiment. Pas vraiment. David Icke, puis je n'ai jamais vraiment pris ça au sérieux. Là. Pas tout, mais là, même si je pense qu'habituellement, il y a souvent la vérité va être mêlée un petit peu au mensonge, ou va avoir du réel dans le. Bon. Il reste que moi, je n'ai pas le temps de tout l'étudier, lui. Ça ne m'intéresse pas tant que ça. Je suis en retard dans le live, pas grave. OK, bon. Moi, j'ai eu un petit peu de difficulté à le mettre en ligne, mon ordinateur, là, il répondait pas. Donc, maintenant, non, pas vraiment. Prenez les reptiliens. L'être humain va interpréter ses intuitions puis les figer dans des formes. Donc, pour ça, on d'en prendre, d'en laisser, là, c'est ce qu'on appelle le discernement. Discernement. Puis David Icke, je ne me suis jamais penché sur ça ou d'autres qui ont théorisé ça, là. Donc, non, vous savez, des fois, certaines personnes, c'est pour parce que c'est des. On pourrait voir ça même comme une métaphore inconsciente, des fois, là. Hein? Je pense qu'ils sont humains, là, les Windsor, même si je considère qu'ils sont inhumains aussi. Donc, Je suis à lire le livre d'Urantia. Ah oui, je ne l'ai jamais acheté, je trouvais ça trop cher. C'est très intéressant comme lecture, avec discernement, moi. Moi, la cosmogonie d'Urantia, autre livre que je n'ai jamais lu. Puis bon, c'est pas, je ne m'en porte pas plus mal, là, mais bon, c'était, je trouvais ça un petit peu cher. L'affaire, c'est que pour des fois, les quelques petits grains de lumière, des fois, là, se pencher dans un des ouvrages aussi. Puis bon, ça ne me tente pas. Bonne année à tous. Excellente entrevue. Fait que mon œil David, très fluide et concret. Je vous aurais écouté longtemps. Bon, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je l'ai réécouté par après, mais je ne me souviens pas de tout, là. Mais possiblement, il va en avoir d'autres. Donc, qu'on parlait. Ah oui, qu'est-ce qui fait que les Juifs sont un peu durs, on peut dire, une certaine mission. Il y a donc une certaine programmation, puis c'est lié à une certaine rigidité. Donc, c'est ça comme ceux qui sont vivent dans les villes. Des fois, si vous croisez des Juifs orthodoxes, ben là, si vous êtes tatoué jusqu'aux épaules, puis les cheveux bleus, puis bon, c'est pas par mépris ou par méchanceté qu'ils vous parleront pas ou qu'ils vont vous ignorer, c'est parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le droit de vous parler. C'est pas par méchanceté, c'est pas par. C'est pour ça de faire attention, de pas jamais tomber dans l'erreur d'avoir. On peut être critique, on peut être critique, on peut. Mais jamais faire l'erreur de tomber dans de la haine en pensant retourner un mépris, parce qu'au fond, ça n'en est pas du mépris, même s'il y en a, là, des méprisants, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'orgueil spirituel, mais de comprendre que c'est de la programmation. Puis que jusqu'à un certain point, bon, ben, c'est au-delà de ce qu'on pourrait appeler le libre arbitre, dans le fond, ou ce qu'on pourrait appeler d'être sous la conscience, c'est-à-dire l'être humain est livré à sa conscience. Il y a eu une coupure d'avec quelque chose, il est livré à sa conscience. Donc, bon, de ne pas justement d'avoir du discernement, puis pas tomber dans l'erreur d'avoir une haine. Ou de penser que c'est réellement du mépris, même s'il y en a des fois. Donc, bon. Parce que prochainement, ça se peut qu'il arrive des choses, des événements, puis ça va être lié à eux autres. Donc, comme toujours, comme souvent dans l'histoire. Oui, cette vidéo avec Mona, très intéressante. Bon, oui, David était très bien préparé. David Lev, pas Ike, OK. Moi, je veux. Bonne année, merci. Aussi à tous, je vous souhaite de rester le plus possible centré et en santé. Ben oui, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Donc, qu'est-ce que j'avais vu donc aussi? Vous savez, est-ce qu'il y avait des choses? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on parle? Donc, bonjour Bertol, bonjour à tous. Bonjour Estelle. Donc, si jamais là, il y a des sujets. Je vais faire 1 heure. 1 heure, puis. Paraît que pour les souhaits, on dit bonne chance au lieu de bonne année pour cette année 2023. En voulant dire, ce ne sera pas une bonne année. Ce ne sera pas une bonne année. Ben, bonne chance. L'affaire, c'est que, bon, la chance, le hasard, c'est des concepts psychologiques, là. Ça commence ça où on ne sait pas. Donc, bon, c'est un peu ça, être livré à sa conscience. Donc, on est dans l'expérimental. C'est pour ça qu'on souhaite bonne chance, des choses comme ça. La pensée vient d'ailleurs, même quand on formule une question ou une communication télépathique. C'est encore pas nous qui pensons. Comment tu vois ça? Ça dépend. Parce que le discernement, entre autres, ça va être d'être capable de séparer ces pensées, des pensées qui ne viennent pas de nous. Donc, il faut que je le relise. Là, comme quand formuler une question ou une communication télépathique, c'est encore pas nous qui pensons. Ça dépend. Il y en a, oui. C'est ça être créatif. Quelqu'un qui est créatif, il va finir par avoir, va finir par faire la différence avec ses pensées. Ce qui vient de lui, puis ce qui ne vient pas de lui. Ce qu'on pourrait dire, ce qui vient de ce qui vient de ses contreparties, si on peut dire, dans le fond, qui vient de son intelligence, le principe d'intelligence en lui, faire la différence avec ce qui ne vient pas de lui. comme des pensées, notamment liées à de la programmation expérimentale, la mémoire. La plupart des pensées qu'on a sont colorées, sont dues à notre expérimental, puis c'est mécanique. C'est mécanique. Ça arrive des fois qu'une pensée semble venir vraiment de nulle part, là. C'est comme un pop-up, là, ça vous apparaît. Bon, ben, à ce moment-là, le discernement, ça va être de voir est-ce que c'est intelligent. Est-ce que c'est intelligent ou pas? Parce que, bon, il y en a, là, ils sont à genoux, là, que la noosphère va descendre, puis tout. Bon, ben, ça, le fait que, oui, il y a des pensées dans l'air, si on peut dire, puis il y a de la mémoire enregistrée, des phénomènes psychomagnétiques. Ça, c'est ce qu'on appelle l'astral, dans le fond. Puis, pourquoi il est écrit tout ce qu'on a à craindre, c'est des intelligences dans des lieux célestes, des choses comme ça. Bon, si vous comprenez certaines affaires, puis comment on est influencé par notre pensée, puis comment on se corrompt, au fond, au niveau de notre pensée, puis dès qu'il y a l'orgueil, le désir engendre, le désir va engendrer l'orgueil, puis après l'envie, puis bon. C'est des vieilles affaires, là. C'est des vieilles choses. Je veux dire, c'est déjà dans l'air, ces choses-là. Ça fait partie de l'expérience. Puis l'expérimental collectif. Puis, bon, c'est assez rare, une pensée propre. C'est assez rare. Ça dépend. Mais ça arrive. Ça arrive. Donc, oui, c'est très créatif. Pourquoi dans la question, souvent, je vois la réponse et c'est un processus. Nous sommes donc en capacité de créer de la pensée. On coordonne, je dirais, on forme. On forme des pensées. Parce que si on prend comme l'information, l'information, c'est pas encore de la pensée. Mais bon, ça prend forme. Mais c'est au contact de l'ego. Bon, comment je pourrais dire ça? Des places subtiles, notamment, qu'on pourrait appeler. Puis, quand l'ego est en contact au niveau de son expérimental, à d'autres niveaux plus subtils, il va être porté à donner de la forme, à de l'énergie, puis il se met à penser. Puis si l'être humain pense, c'est justement parce qu'il est livré à sa conscience. Il est livré à sa conscience dans le sens, bon, il n'est pas en circuit ouvert avec l'intelligence, si on peut dire. Ce qui était appelé anciennement l'innocence. L'innocence, mais pas dans le sens d'être idiot. L'innocence, dans le sens de ne pas être corrompu par quelque chose qui vient, qui s'est accumulé, puis qui vient. C'est assez subtil, là, ces deux choses. La parole sans pensée préalable, c'est de l'intelligence, pas toujours. Ben, il y a, comme je dis, il y a de la programmation. Des fois, il y a de la mécanicité, il y a de l'automatisme. Il y a du mimétisme qui peut se manifester sans la pensée. Ça arrive. Il y a des gens, justement, qui vont répéter des choses sans le penser, par mécanicité. À ce moment-là, c'est des pensées quand même, puis ça ne vient pas d'eux. Donc, bonjour de France, bonjour Marie-Thérèse. Denis, Solange Richard Jordan, j'ai vu une vidéo de BDM avec Glenn qui disait que. Les extraterrestres, ça venait d'autres dimensions, non, pas d'autres planètes, je trouve plus la référence. Ben, c'est ça. Bon, ben, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des demeures. Ce qui était dit anciennement, des êtres qui ont quitté leur demeure. Donc, c'est-à-dire des êtres, justement, de d'autres dimensionnalités, si vous voulez. C'est pour ça que, quand il y a des liens au niveau. Prenez le phénomène OVNI, par exemple. Il y a souvent des phénomènes genre poltergeist dans les maisons. Ou qu'il y a beaucoup d'activités ufologiques, là. De comprendre, c'est tout lié. Tout lié. Puis que, bon, il y en a un, le mot, celui, l'ufologue, je trouve le plus intéressant, c'est Jean Ferguson. Jean Ferguson, qui est décédé maintenant. Mais lui, il ne faisait pas de mystère de ça, dans le sens que dans les cas qu'il a enquêté, quand il y a des phénomènes comme ça, il le met, il en parle. Tandis que des ufologues sont sélectifs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller dans le sens de leur hypothèse de travail personnelle, de leur théorie, puis bon. Mais il reste que ça penche souvent vers ça, là. Livré à sa conscience et pas en circuit ouvert, quelle est la différence au niveau mental? Comment tu fais la nuance, la différence? Dans l'innocence, il n'y avait pas de mental. Il n'y avait pas le plan mental. C'est-à-dire que par rapport à, il y avait l'éternité. L'innocence, être en contact avec l'éternité, l'éther unité. Après, il y avait eu le plan mental. Quand l'être humain il était livré à sa conscience, là apparaît le plan mental. Puis il se met à penser. Comment je pourrais dire ça? Il n'y aurait pas possibilité d'une chute s'il n'y avait pas capacité d'être séduit dans son imagination. Vous voyez, là? Bonjour à tous. Bonjour, Max. Miss May, hey, bonjour tout le monde de France. Je rentre d'une randonnée 4 heures dans la forêt avec les chiens. Ah oui, je suis contente de voir ce live et être avec vous. Bon, tant mieux. Les gris, les grands blonds, heck, où on aurait le même ADN. Ouais, ben, l'affaire, c'est que l'ADN humain, justement, ça, quand on parle de corruption, c'est parce qu'il y a eu altération. C'est transmissible génétiquement. Puis, et là, l'affaire, là, de, ça commence par, bon, il y a l'épigénétique aussi. Puis, bon, comment je pourrais dire ça? C'est justement par des altérations de l'ADN que, bon, l'être humain entre dans le temps, il est obligé de connaître la mort. Il est obligé de, bon. Il rentre à un moment donné, il sort. Comment je pourrais dire ça? Quand il se ramasse en circuit fermé, qu'il est livré à sa conscience, il entre dans l'expérimental, il est obligé de penser à se survivre. Alors que c'est pas comme ce qu'on pourrait appeler de l'innocence. Un être qui est dans l'innocence n'a pas besoin de penser à sa survie pour vivre. Il est en circuit ouvert, puis il vit. Puis de... Je sais pas, là, je sais, c'est des affaires, c'est tellement subtil. Ça fait des millénaires que ça se parle, mais finalement, on est bloqué par des formes parce que c'est tellement subtil qu'on ne s'en rend pas compte. Intéressé à la chute par la séduction des plans inférieurs nécessaires pour créer le mouvement. Comme avec la reproduction humaine, c'est très magnétique. La femme, l'attirance de se reproduire, cela ressemble à cela. Ben oui, c'était nécessaire. Là, c'est là on tombe sous des lois. Vous savez, là, maintenant, il y en a sont chassés d'un jardin, puis ils se recouvrent avec des peaux d'animaux. Les peaux d'animaux, c'est ça ici, là. C'est ça, la chute. Il y a une densification. Puis bon. Mais là, on tombe dans des choses, il y en a, ils ne m'aimeront pas que je dise ça. Parce qu'on image un peu puéril de tout ça, dans le sens que, bon, on est en train de sortir peut-être de l'enfance de l'humanité, puis on va entrer dans du. Peut-être du plus sérieux, parce qu'au niveau de sa maturité, à cause justement de la densification du plan mental, l'être humain ne sera pas capable indéfiniment de se contenter de des explications comme il y a eu pendant des millénaires. À un moment donné, il va falloir que ça fasse sens pour lui, parce qu'il est psychologique, l'être humain. Donc, puis il a décidé, il a choisi la connaissance. C'est ça, se ramasser en circuit fermé, puis être coupé de. Donc, il n'y aura pas le choix de passer par ça. Ça n'aura pas le choix de passer par ça. Donc, comme l'être humain, tu es un être de connaissance, tu es un être d'entendement, c'est un être qui est psychologique, c'est un être qui pense, c'est un être qui réfléchit. Bon, ben, et là, la pogne, là, qui fait que ça devient subtil, ces affaires-là, parce que ça fait partie des temps, bon, où l'être humain n'était pas psychologique, là. Donc, bon, quand on dit que qu'on a esquissé à notre plan de vie avant l'incarnation, est-ce vraiment ça? Si vous regardez au-delà de votre ego, la programmation au-delà de votre ego qui chiale, qui ça fait pas son affaire, puis tout, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même de l'intelligence par rapport à votre vie, dans le sens que des fois vous vivez des choses qui font pas votre affaire, mais vous deviez le vivre. Donc, jusqu'à un certain point, il y a une partie en vous qui est en dehors de l'ego, qui est plus intelligente que l'intelligence psychologique qui va avoir fait ces choix-là. Mais l'ego, lui, comme je vous dis, lui, il est entré, il est sorti de l'innocence, il est livré à sa conscience, qu'on pourrait appeler le voile du libre arbitre. C'est pour ça que dans la vie de tous les jours, on est obligé de prendre des décisions. C'est parce qu'on fonctionne en circuit fermé puis qu'on est coupé de quelque chose. Quelqu'un qui sait n'a pas besoin de prendre la décision. Donc, l'idée qu'on a choisi, là, ça devient très subtil. Là. Je ne sais pas là, si vous voyez, là, mais ça devient très subtil parce que c'est difficile de concevoir avec un ego psychologique qui est dans le voile du libre arbitre de l'expérimental qui s'enregistre au niveau des lois de son âme, d'essayer de voir au-delà de ça, de comment c'est le libre arbitre en dehors de l'expérimental avant. Ça devient subtil, là. Pourrais-tu laisser les commentaires en laissant la vidéo en replay? Oui, s'il n'y arrive pas du monde déplaisant qui est, je suis obligé de. Le sens, dans le sens que c'est intelligent. Et que cela répond à des lacunes au sens psychologique. Dans le sens que c'est intelligent, que ça répond à des lacunes ou dans le sens psychologique. Ben, je suis pas là, je suis perdu un peu. Je suis perdu un peu, j'ai de la misère à remettre ça en contexte. Peux-tu parler de Jésus versus le Nazaréen? Je suis allé voir la vidéo de Pierre Blanchette, réponse au maçon 2. Pourquoi là, ça n'a pas d'allure, Jean-Baptiste qui est Jésus? Ben là. Alors, ça n'a pas d'allure, tout simplement, les évangiles deviennent incohérents. Les évangiles deviennent incohérents. Parce que là, ça veut dire que d'abord, Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste, ça voudrait dire que d'abord aussi Marie, c'est le nom d'initié d'Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste. Faut pas oublier que le christianisme vient du judaïsme, puis le judaïsme, c'est pas une religion à un mystère de l'Antiquité avec une initiation, là. Ça, c'est. Faut vraiment pas comprendre un peu le contexte pour aller sortir une affaire de même. Mais c'est pour le mettre au goût du jour des sociétés initiatiques, dans le fond. Ils se réapproprient les Écritures, puis ils mettent ça comme ils veulent, mais ça ne marche pas. Donc, bon, prenez, bon, si on regarde, puis on sait, Saint-Jean-le-Baptiste est le cousin de. Mais ça, c'est. Voyons. Par rapport à un témoignage spécifique qu'on a la filiation à un moment donné. Mais non, ça ne tient pas la route, là. Ça ne marche pas. Donc, tout simplement, en tout cas, qu'il aille jusqu'au bout de sa démonstration, là, le monsieur dont j'arrive pas à retenir le nom, mais c'est parce que c'est un exercice périlleux, donc ils ne le feront pas. Très intéressant, oui, c'est difficile de suivre en texto. Sinon, on peut parler de la douleur physique qui semble tarauder les gens qui ont développé de l'intelligence. Ouais, ben, j'ai. Là, de là à faire un lien. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va développer, si on peut dire, bon, qui. Parce que l'affaire, l'intelligence, moi, de la façon dont je la parle, c'est pas du développement personnel. Parce que souvent, on va se rendre compte que. Bien, ce qui empêche l'intelligence, ce n'est pas des affaires qui nous manquent, c'est des choses qu'on a accumulées puis qui nous nuisent. Au niveau de l'objectivité, entre autres, des choses comme ça. C'est pour ça que ce que je parle, ça n'a pas rapport avec le développement personnel. Puis l'affaire que la douleur physique, ça semble tarauder les gens. Bien, des fois, oui, il va y avoir un mouvement pour être plus dans la matière, mais aussi pour être plus scient de ce qu'on pourrait appeler une vie plus saine, un petit peu. Donc, oui, on est amené à vivre beaucoup de douleurs physiques, des fois, mais ça, c'est lié à de la programmation individuelle, là, souvent. Puis, il y a de tout, hein, il y a du cas par cas. Mais c'est comme, bon, si on prend, je pense à certains cas, là, qui ont beaucoup souffert, ils ne souffrent pas en continu toute leur vie nécessairement. À un moment donné, on peut entrer dans. Prenez Mona, à un moment donné, elle avait été très malade étant jeune, parce qu'il y avait comme un peu une. Vous savez, jusqu'à 40 ans, c'est difficile la vie, à peu près. Justement, on peut faire un lien avec les Hébreux, ils passent 40 ans dans le désert. OK? Donc, jusqu'à 40 ans, des fois, on vit des. Mais on est supposé devenir scient, de vivre plus sainement pareil, puis à un moment donné, venir à bout de. Bon. Mais. D'habitude, si on sort de la souffrance physique, elle peut servir pareil. Mais là, Oui, il y a des affaires, des fois, c'est carrément pas juste. C'est carrément pas juste. J'aimerais comprendre pour les francs-maçons, se dévoiler présentement peut être avec l'époque des revalorisations que nous rentrons. Ouais, ben, sont possiblement en période de recrutement. La plupart sont des personnes très âgées, là. Vous savez, là, le grand temple, là, en marbre blanc, qui est sur le bord d'une autoroute, là. On va vers Montréal, là. C'est un sépulcre, ça, là. C'est pas blanc pour rien. Dans le sens que c'est des vieux bonhommes en perte de vitesse. Puis, bon, aussi l'affaire que ils vont se démasquer eux-mêmes. Tôt ou tard. Parce que c'est comme ça. Donc, plus ils vont se dévoiler, plus ils vont se faire des bunkers, on peut dire. On va finir par se rendre compte que s'il n'y a pas de mystère, après, quand j'ai essayé, dans les premières affaires, j'ai dit publiquement, j'ai expliqué que c'était une illusion, puis ça sert à manipuler le principe de mystère, autant dans notre mental qu'en société. S'il n'y a pas de mystère, ça veut dire qu'il n'y a pas d'initié à ce niveau-là. Donc, à un moment donné, il va falloir se rendre compte que leur grand secret, c'est l'idée du secret. Leur grand secret, c'est le secret lui-même, c'est-à-dire agir dans l'ombre. S'ils se mettent à se dévoiler, puis tout, ils perdent leur patente. On va se rendre compte que c'est vide, puis que dans le fond, il n'y a rien là. Mais en tout cas, la douleur physique peut être aussi vue comme le résultat de certaines intégrations d'énergie. Oui, puis ça peut être aussi un trouble simplement mécanique. Simplement mécanique, comme une luxation. Ce n'est aucunement de la croissance psychologique, mais j'observe que ceux qui ont pris la parole ont souffert beaucoup de douleurs physiques et ça développe une force. Oui, ben je sais pas si c'est une loi. Je suis pas sûr que c'est une loi rigide qui s'applique tout le temps. La plupart des humains vont vivre de la douleur physique. Du monde qui n'ont jamais souffert physiquement, j'en connais pas. Tôt ou tard. Ils finissent par. Mais oui, les gens qui ont pris la parole, c'est parce que d'une certaine façon, prendre la parole, c'est se mettre en initiation. Donc, bon, on rentre encore plus dans l'expérimental à un moment donné. Parce que ce qui va être parlé, il va falloir que ce soit testé pour l'intégration. Donc là, c'est se mettre dans le marbre, là. C'est pour ça qu'à un moment donné, aussi, dans les premières vidéos que j'ai faites, j'avais dit au monde, les gens qui s'intéressent à la conscience, vous êtes dans la merde, là. Je ne disais pas ça d'une façon négative. Mais reste, ça revient à ça. Ça revient. Donc, bon matin, content de te pogner en live. Ah, ben, bonjour, Mona. Julie Ducharme, mais qu'est-ce que nous dit que les évangiles sont vrais de toute façon? C'est pas important. Vous êtes drôle. C'est de la croyance aussi, sans donner raison aux francs-maçons. De la croyance, c'est donner de l'importance. Non, si vous avez du discernement, vous allez voir, soit c'est intelligent, soit ça ne l'est pas, soit on peut faire de quoi avec, soit bon. Dans le fond, là, c'est pas donné, on n'est pas pour donner une importance subjective aux choses. C'est là qu'il y a un piège. Eux autres, ils le font. Vous savez, là, c'est pas bien ben grave, vous, que vous pensez qu'ils sont vrais ou sont pas vrais. Parce qu'au niveau de la subjectivité des autres qui pensent, ça va influencer leur comportement, puis ça va influencer toute la société, toute le. Donc, ça a tout le temps été le cas. C'est pour ça qu'il y a eu des guerres de religion, il y a eu des. Moi, je vous parle d'une observation objective, puis de voir qu'est-ce qu'ils font avec le stock. Ça se tient-tu ou ça se tient pas? Le reste, ce qui n'est pas vérifiable, on s'en fout, dans le fond. Super entrevue avec Mona et David. Je vous écoute en plusieurs parties. C'est trop bien de vous entendre. Bon, finalement, cette soirée-là, je ne me suis pas endormi. Mona, elle s'est pas endormie avant 2 h du matin, je pense. Puis finalement, je voulais me coucher, je voulais dormir. Puis je ne me suis pas endormi non plus avant 2 h du matin. Puis je suis pas mal sûr, David aussi. Lorsqu'on parle, on colle l'expérience. Oui. Ben oui. Puis c'est de la mécanique vibratoire dans le fond, puis on s'en rend pas compte. Ça, c'est fort la parole, c'est fort, c'est dangereux, Dans le sens, ben, il y a du monde, ils parlent, bah, bah, bah, bah, bah, puis en les écoutant parler, on peut voir comment ils vont être mon expérience. Juste en écoutant jaser les gens, à un moment donné, on le voit vers où ça va. Bof, moi, j'ai vécu le contraire. C'est après de grandes souffrances que j'ai pu développer la parole. C'est toujours du cas par cas, c'est ça. Tout le monde souffre, c'est clair. Oui. Ben oui. Mais là, l'affaire, c'est que, bon, est-ce qu'on veut souffrir d'une façon qui ne sert pas? C'est là, que ça, c'est comme un appel à développer un discernement. Dans le sens, prenez la souffrance psychologique. C'est une nuisance. Souvent, ça ne sert à rien. À moins de vous rendre compte que ça ne sert à rien, là, vous avez intégré quelque chose. C'est rare d'essayer de dire, par exemple, à quelqu'un qui sera en dépression chronique parce qu'il y a des idées noires, d'y expliquer, ben, ces pensées-là ne viennent pas de toi. Puis tu devrais contester intérieurement en voyant ça comme extérieur, comme quelque chose d'extérieur qui vient essayer de te corrompre. Là, la dynamique change, là. C'est complètement différent. Tant que la personne pense que les idées noires, c'est ses idées, en fait, là, la porte est grande ouverte pour n'importe quoi. Puis il y a un cercle vicieux. Puis finalement, la personne s'enfonce. C'est pour ça l'observation de la mécanique, de la subjectivité de la pensée. Puis le fait que, est-ce que les pensées, que la façon dont vous observez vos pensées vont pas influencer au niveau biochimique de votre cerveau, bien plus que le biochimique du cerveau va influencer vos pensées, dans le fond. De voir qu'on voit ça à l'envers, là. Parce que c'est sûr que quelqu'un que je l'écœure, puis que je le stresse, puis que je crie après, il va avoir de l'adrénaline à un moment donné qui se promène dans le système. C'est certain, j'y tape sur les nerfs. Donc, la pensée influence le biochimique. C'est ben, autant que oui, le biochimique à un moment donné va avoir une influence sur la pensée, mais je veux dire, on voit ça à l'envers. C'est pour ça là, que le monde, ils sont obligés de prendre, entre autres, des antidépresseurs, puis on avait été mal éduqués. Les gens ne comprennent pas ce qu'est l'hygiène mentale. Il n'y a pas juste les se laver les mains. Je veux dire, même d'ailleurs, si vous dites au monde de se laver les mains d'une façon obsessive, compulsive, hypochondriaque, là, on est doué, il y a de l'hygiène, si on peut dire, physique, mais ce n'est plus de l'hygiène mentale, c'est de la pollution. En plus, quand vous mettez de l'alcool dans les mains, ça rouvre les pores et vous créez une ouverture pour les infections, si c'est fait d'une façon qui n'est pas intelligente. En tout cas, mais voyez là, ce que je veux dire. Je suis sûr que oui. Vous disiez avoir perdu contact avec votre esprit en novembre. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Pas tout à fait ça qui est. Non. Pas dormi non plus après l'écoute de votre trio, moi. Pourtant, là, il faut dormir la nuit. Fait que s'il y en a, ils ont tendance à ça, écoutez-le pas avant de vous coucher. Oui, je suis d'accord, faut que la souffrance soit un indicateur, sinon pas notre temps. C'est ça, parce que la souffrance, c'est de l'information. Si l'information n'est pas intégrée, bien, ça fait des blocages. Mais ça dépend, là, quel type de souffrance, entre autres. Mais c'est tout le temps de l'information. C'est intelligent, le système nerveux, c'est pas fait de même par hasard. Puis c'est pareil pour la réactivité psycho-affective. Donc, Mona, tout ce que l'on parle est testé, c'est souvent la raison que les gens ne parlent pas. Moi, oh, ça prend du culot. Quand on sait ça, puis qu'on parle, là, parce que ouais, on se met pas en danger, mais on se met en expérience quelque part. Puis là, il y a des initiations. Mais si, des fois, c'est pas long, ça serait. Des fois, c'est pas. Combien il y a de gens qui ne savent pas que la pensée vient d'ailleurs? Ben, la majorité, je veux dire, on pourrait, ça va être moins long compter ceux qui le savent, d'après moi. Mais c'est parce qu'il faut l'expérimenter. C'est ça, un savoir. Parce que si on fait juste en parler, ben là, c'est de la connaissance. Puis, bon, beaucoup. Fergus, ouais, mais où est la limite de parler et d'être testé quand tu parles ou fais des directs comme observer? Tu le retour? Est-ce que la parole se perfectionne et on évite les expériences? Non, pas nécessairement. Mais. De la façon dont je l'ai vécu, comme à un moment donné, je fais des études, je ne parlerai pas de l'astral. Donc, je n'appellerai pas ça comme ça. Puis j'ai été confronté à 2 semaines que j'ai eu affaire à rien d'autre chez les gens. Mais rien d'autre, là. Puis le monde qui m'approchait, c'était bon. Puis finalement, c'est parce qu'il y a une mécanique vibratoire qui nous échappe. On est en contact avec l'énergie, la parole, c'est de la vibration. Puis sans qu'on le sache, bon, ben, les lois de densification vers la matière, de cristallisation, ça engendre aussi des lois expérimentales. Donc, ce qu'on parle va influer sur notre vibration va influer sur la façon dont notre expérimental prend forme. Puis, les lois de ça sont pas psychologiques à la base, donc c'est difficile de voir, c'est difficile à observer. Puis, c'est un peu comme je disais, si on met des métronomes sur une planche, sur des cylindres, puis qu'on les fait toutes marcher, à un moment donné, ils vont synchroniser parfaitement. Ça, c'est des lois d'énergie, entre autres, des rythmiques, de structure, de... Bon. Mais c'est pour ça qu'il y en a, ils vont voir des coïncidences ou des... comment ils appellent ça? Donc, des synchronicités, puis ils vont donner des significations à ça. Donc, on met des formes à des mécaniques d'énergie qu'on peut pas comprendre psychologiquement. On essaie de psychologiser notre rapport au monde. C'est là qu'on devient subjectif. Mais il y a quelque chose de cette mécanique-là qui fait que, bon, bonjour Roselyne, Ismaël, Daniel, OK, bonjour à tous. Hygiène mentale, super celle-là. On va se faire des muscles mentaux aussi, ben oui. Ben oui, ben, une fois que vous avez intégré certaines choses, habituellement, si c'est réellement intégré, là, vous allez être en expérience, puis vous allez le voir parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière. Filtrer ses pensées, j'irai pas. On est déjà filtré, hein, pas mal. Le cerveau, c'est un filtre. Sinon, on deviendrait fou, ça serait la panique, c'est-à-dire pas tout. Si on est en contact avec tout, on ne peut pas gérer ça psychologiquement. Donc, ça fait la panique. Donc, on est déjà filtré pas mal. Mais si le filtre est ajusté, ben là, de jour, les arts martiaux, mentaux, comme dirait M. Sabourin. Moi, je ne l'ai pas écouté dernière. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, mais je n'ai pas vu ça. Ouais, ou de l'autodéfense psychique, là. C'était génial cette conférence à trois. On en espère une autre. Vous voyez, quand ça va donner à tout le monde, même si la personne est inconsciente, des fois, la parole, c'est effectif. Ben oui, parce que c'est vibratoire. Ben oui, c'est comme moi, pendant les 2 ans de fou qu'on vient de passer, j'ai pas essayé de convaincre personne, là. Mais tout le monde autour a fini par faire comme moi. Les gens les plus proches. Je me suis pas ostiné avec personne, j'ai pas convaincu personne. Mais c'est vibratoire. C'est vibratoire. Le chat miaule parce qu'il est en contact avec l'être humain. Les chats entre eux ne se miaulent pas après. Le miaulage, c'est pour les humains. C'est lié à la parole, c'est lié à la vibration de l'être humain. Les chiens jappent parce qu'ils côtoient des humains. C'est des lois de mécanique vibratoire. C'est entre les hurlements de loup et la parole un peu. Les loups jappent pas. Des chiens complètement abandonnés qui restent en meute, c'est rare qu'ils vont être portés à japper. Pourtant, ils hurlent à la lune souvent. Le jappement, c'est lié au contact avec l'homme. De la même façon, le miaulement. Juste l'influence vibratoire du fait de vivre, de côtoyer les humains, ça fait que les chats miaulent puis les chiens jappent. À un moment donné, il y a des animaux de compagnie qui vont prononcer des mots, très clairement. Ça n'a pas le choix d'arriver. Parce que c'est des lois vibratoires de, bon, vaut mieux que ça arrive assez tard, des affaires de même, parce que si c'est arrivé au Moyen-Âge que des animaux sont capables de prononcer des mots, ils n'auraient pas vécu longtemps. Ou à la Renaissance, là. Donc, quand tu donnes moins d'importance à tes pensées, que tu arrêtes de les croire et trouves une certaine paix, l'entourage est affecté. Oui, mais alors ça s'arrête où? Là, c'est les autres qui deviennent la limite. Ça s'arrête selon la capacité d'autrui. Puis on ne peut pas non plus, je veux dire, si vous essayez de forcer le monde, vous allez vous rendre compte qu'ils vont se défendre. Inconsciemment, il y a des mécanismes de défense. Si vous essayez de convaincre quelqu'un à tout prix, vous allez l'empêcher. Parce que il va se défendre. Il y a des mécaniques qui vont se défendre. C'est pour ça que ça ne donne rien. Ça ne donne rien de vouloir convaincre à tout prix des gens. ça va aboutir, ça peut aboutir à l'effet contraire. Donc, ça ne sert à rien. Il faut que les personnes voient par elles-mêmes. C'est leur expérience. Il y a ça là, dans le respect de l'expérience d'autrui. Les synchronicités sont-elles quand même utiles pour juger d'un certain ajustement? Ça dépend. C'est du cas par cas. Mais je dirais non. Non. Ça peut être utile, oui. Mais de là à dire important, là, sûrement pas. Tant que ça, pas tant que ça. Mais ce serait du cas par cas, il faudrait contextualiser. Mon objectif sera de protéger ma lucidité plus que jamais cette année. Ouais, protéger sa lucidité, comment on fait ça? Parce que est-ce que la lucidité peut se protéger elle-même à partir d'elle-même? Il va falloir qu'il y ait des principes au-delà de la lucidité, c'est-à-dire capacité de discernement psychologique, c'est-à-dire qu'il va falloir être dans un état d'équilibre qui fait que vous allez être axé. Accès avec vous-même, apprendre certaines paix avec soi-même pour ça, dans le fond. Donc, le ronronnement, c'est aussi pour les humains. Moi, possiblement, mais ça, je pourrais pas dire, je suis moins façon de parler pour les humains, moi. Ça m'a frappé dans l'entrevue quand Mona Hébert parlait du langage d'oiseau, l'échange entre BDM et Ken. Moi, c'est parce qu'on voit ça, on voit ce phénomène-là des fois. Des gens qui parlent très aigu, très très rapidement, là. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça spécial. J'ai trouvé ça spécial. Je serais curieux de voir s'il y a des exemples d'enregistrement. Je parle de d'autres gens, là. Oui, le respect, l'intelligence qui a de l'amour l'intègre un peu plus cet aspect comme un relâchement d'une rigidité catégorique liée à des mécanismes de survie. Moi, ben, la rigidité, être trop rigide, souvent ça va avoir un effet contraire. Dans le sens, ça prend une certaine souplesse aussi, parce que l'adaptation contextuelle, ça fait partie du discernement. Donc, mon un petit jeu de mots, vouloir convaincre revient à vaincre le con. Moi, ouais, mais bon, c'est un petit jeu de mots. Mais vouloir convaincre à tout prix, là, c'est très. J'étais fatigué dernièrement, puis j'étais à un dîner. Il y avait une de mes tantes qui est très versée dans des choses astrales pas mal. Puis là, elle était partie à parler de sa sensibilité, le contact avec des morts, puis des affaires de même. Ça me tentait pas, tu sais, ça, je sentais ça s'alourdissait, là, puis on entrait dans quelque chose que ça me tentait pas. Fait que j'ai été un petit peu rigide dans ce que j'ai dit pour casser ça et avoir la paix le reste du dîner. Puis ça a marché. Mais je l'ai fait d'une façon quand même respectueuse. Il n'y a pas eu de froid. Mais il reste que j'ai pas à la convaincre de c'est quoi, dans le fond, ces affaires-là. J'ai juste, bon, ça va être au monde à un moment donné de l'avoir. Parce qu'à un moment donné, ben, ça peut finir par nuire d'être fasciné par ces choses-là, de croire à ça. L'affaire, c'est pas qu'il n'y a rien, puis qu'il se passe pas de phénomène, mais l'affaire, c'est d'y croire d'une façon catégorique. Quelqu'un qui croit d'une façon catégorique, vous pourrez pas le convaincre. Ça va l'amplifier, il va s'amplifier dans sa croyance. Donc, bon, j'ai juste. Personne ne veut être convaincu. Ouais, ben l'affaire, des fois, faut être con pour plus l'être. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, là. Faut faire des erreurs, faut se tromper, faut se faire avoir de temps en temps. Quelqu'un qui se fait jamais avoir, qui. C'est comme. Comment ils disent ça, les tatoutistes, les taoïstes? Quelqu'un qui tente rien, il se trompe juste une fois. Tu sais, je veux dire, personne ne doit être convaincu, j'ajouterais. Moi, mais là, il y a des affaires. Pourquoi est-ce qu'on est convaincu ou on doute ou est-ce parce qu'on ne sait pas? C'est pour ça l'affaire à un moment donné, là. Les gens verbomoteurs qui parlent vite et aigu, probablement que c'est codé des fois. Je parle avec quelqu'un que c'est même ce qu'on dit qui importe, mais l'énergie qui bouge. Moi, ben, j'avais un cas, c'était deux petites jumelles qui avaient développé un langage qu'elles seules comprenaient. Elles se parlaient entre elles, puis bon, l'entourage ne comprenait pas. Puis à un moment donné, c'est un, je ne sais plus si c'est un psychologue, je pense que c'est un psychologue qui les avait enregistrés puis qui essayait de décrypter leur langage. Puis il avait fait écouter ça à des linguistes. Puis en fait, c'était de l'anglais, mais à très, très haute vitesse, que l'oreille humaine n'est pas habituée, puis il fallait l'enregistrer, puis ralentir le débit, puis ils se sont rendus compte qu'elles se parlaient normalement au fond. C'est juste que, probable qu'elles avaient développé ensemble, par jeu, des capacités, des branchements synaptiques, au sens où leur capacité de langage avait été légèrement modifiée, puis c'était créé une langue comme ça. C'est ce qu'on voit souvent dans des cas, ce qu'on appelle la folie à deux. C'est-à-dire que des gens qui se replient sur eux-mêmes, puis qu'au niveau psychologique vont essayer de se protéger, vont développer des fois des facultés qu'on pourrait dire parapsychiques. Pas dans le sens paranormal, mais dans le sens d'à côté des phénomènes habituels, qui est en périphérie de ce qu'on connaît. Puis, finalement, c'est comme, c'est des choses qui sont, peuvent être quand même intéressantes, justement, pour essayer de comprendre l'être humain, ce qu'il est vraiment, parce que c'est dans les anomalies, par les anomalies, qu'on peut finir par comprendre c'est quoi un être humain à la base. Faut regarder toutes les... Puis finalement, oui, c'était de la parole, mais à très, très haute vitesse. Puis finalement, bon, c'est des phénomènes, ça, quand même intéressants, mais il reste que non, c'était pas. Il y en a des gens superstitieux qui auraient pu dire, ben, c'est un démon qui les instruit de ça, puis finalement, c'est de la magie noire qui fait qu'ils communiquent entre elles dans une langue que personne comprend, puis finalement, ben non. À un moment donné, il faut pas virer fou, là. Pour ça, il faut étudier les phénomènes, je parle, dans le sens de les observer, puis bon. J'étais où là? C'est pas de vouloir convaincre, mais plutôt qu'on souffre quand même des pensées à travers du lien qu'on a avec notre entourage. C'est pour ça que d'avoir le discernement de vous mêler de vos affaires, ça, dans une certaine mesure. C'est pour ça que j'ai pas trop de chicanerie, moi, avec mes proches. C'est rare. Très rare que je me chicane avec des proches. Pourquoi? Ben, parce que des fois, je laisse faire. Il y a des choses que je laisse faire, puis. Oui, voilà, c'est celui qui fait rien, qui se trompe jamais. Moi, ouais, mais des fois, rien faire, c'est se tromper aussi. Oui, les enfants dans des environnements toxiques développent des mécanismes de survie psychique, oui, comme de vivre dans un monde imaginaire, entre autres, et voilà. C'est que ça, des fois, c'est pas un avantage. Ça peut nuire, là. Ça peut nuire, puis, moi, ouais. Ça peut même être dangereux, comme ces deux. Là, je me souviens, elles avaient été séparées puis mises dans deux villes différentes, puis c'était pour leur bien. C'était pour leur bien pour qu'elles deviennent fonctionnelles en société. Parce que c'est pas. Elles faisaient peur, là, aux gens. Elles marchaient d'une façon synchronisée, elles parlaient tout le temps d'une façon synchronisée quand on leur parlait. Ça faisait peur. C'était comme des jumelles dans un film d'épouvante, là. Donc, pour leur bien, ils ont été séparés pour justement développer des aptitudes autres que des aptitudes défensives face au monde. Il faut développer aussi des compétences par rapport au monde, fonctionner dans le monde. J'aime bien la chaîne que tu as partagée, Introcrit. Je regardais hier les capsules sur le KGB et la pyramide en Égypte, encore là. Ça peut être un montage, me semble réel. Oh, je n'ai pas vu ça. C'est drôle, là, je ne l'ai jamais regardé, lui, toutes ses affaires. C'est juste, je recherchais cette émission-là qui avait passé à Canal D, puis qui était, je pense que c'est Gilbert Sicotte, le narrateur. Je ne le retrouvais pas, puis ça donne, c'était la chaîne de ce monsieur-là. Donc, je ne sais plus comment s'appelle cette chaîne. Ouais, c'est Introcrate. Je pense que c'est sur. C'était sur. Moi, je l'ai trouvé sur. Comment ça s'appelle? Vidéomi? Non, ça n'existe plus, ça. L'autre, là, l'autre plateforme. Ah, l'oiseau moqueur, la chaîne, non? Non, c'est pas l'oiseau moqueur. C'est jamais un avantage de vivre dans un monde imaginaire. aussi nuisible, incapable de contenir le réel. Ben oui, parce que c'est du virtuel. C'est pour ça que quand il y a eu la mode, là, TikTok chez les jeunes, puis qu'il y en a qui développaient que ce qui semblait par mimétisme être comme des syndromes de Tourette, des choses comme ça, je dis, ben oui, des tics puis des tocs. Mais l'affaire, c'est que on protège pas nos. On protège pas les. Ça devrait être interdit, TikTok, là. En tout cas, pas parce que. C'est pas comme dans le temps, il y en a qui disent, ah, la musique rock, faut interdire ça. C'est pas ça l'affaire, c'est que. Ça sert des intérêts étrangers qui ont intérêt à corrompre les jeunes ici, à faire qu'ils développent moins de compétences que chez eux. À un moment donné, il va falloir l'avoir. J'ai eu longtemps un enfant, un ami imaginaire, ça gossait pas mal ma mère de l'avoir lui mettre des couvertes à table à côté de moi. Ah oui, moi, j'aurais pas toléré ça du tout. Mes parents non plus. je me serais fait. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est jamais. Je trouve pas ça. C'est bon signe qu'un enfant a de l'imagination. S'il y en a trop, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et c'est une compensation de quelque chose. Oui, j'ai remarqué que je peux apporter une cohérence dans mon environnement plutôt que de tenter de le contrôler. Je laisse ce qui doit être dans l'énergie rester calme. Ça change tout. La présence. Oui, des fois, c'est le temps de péter une coche, puis des fois, c'est le temps de rester tranquille, puis rester calme. Ça impressionne, hein? Quand tout le monde est en train de paniquer, puis tu restes calme, puis tu dis, bon, on ne vira pas fou, là. Puis là, les gens, ils sont impressionnés. C'est sûr, parce que ça fait montre d'une autorité. Pas l'autorité de quelqu'un qui donne des ordres, l'autorité de quelqu'un qui a de la contenance. Puis, par mimétisme, les gens vont vouloir. Ils vont vouloir. Ça va les impressionner dans le sens d'une impression, dans le sens que. Ils vont voir eux-mêmes qu'ils sont pas, qu'ils manquent de contenance. Donc, ils vont se voir eux-mêmes dans le. Bon. Daily Motion, oui, c'est ça. Étant petite, mon climat environnemental n'était pas forcément toxique, mais pas très sécurisant. Ouais. Et l'imaginaire m'a permis de me sauver au niveau intellectuel, mentalement. Oui. Ça peut faire des carrières, même. Ah, bonsoir Marie, Bertol Chat. Ah, bonsoir. Bon, vous parlez. Fergus, bonsoir. Je suis en retard. Ben non, c'est pas grave. Ben, juste à copier le code source en haut. Parce que peut-être qu'il sera pas mis en ligne tout de suite sur la chaîne. Des fois, il y a un délai. Fergus, c'est à Marie-Jeanne. Oui, on vous attend. Je commence à m'impatienter. Ah. Donc, moi, je vais cesser, ça fait près d'une heure. Salut, où j'ai vécu les attentats de Paris dans le métro, et mon calme a calmé tout le monde. On a évacué 100 heures, ben c'est ça. Il y avait des vieilles histoires dans le temps, des gens qui étaient mis à l'épreuve pour servir un temple, puis là, il y a des espèces d'écluses qui étaient ouvertes. Ceux qui restaient tranquilles se laissaient porter par l'eau vers les sorties, puis ceux qui n'étaient pas capables d'avoir de la contenance, de rester tranquilles, ils finissaient dans des recoins de la structure du temple, puis ils se noyaient. Puis c'est comme ça qu'ils triaient. Mais ça, c'est une vieille histoire, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Donc, les courses, ah, c'est la fête. Ah oui, oh, je ne sais pas. Bertol, question indiscrète. Est-ce que vous voyez au sens que BDM parlait, il disait voir les auras, ect. Est-ce que vous voyez? Non, je vois pas ça, moi. Non, je vois pas ça. Moi, ça va être le ressenti par rapport à la vibration d'une personne. C'est souvent lié à sa voix. Sa voix, puis son langage corporel, puis c'est général. Puis là, je vais sentir une vibration. Puis même la vibration, ça peut être ressenti même d'une façon qu'il n'y a aucun signe. Vous recevez, par exemple, un commentaire anodin, totalement anodin, que d'un point de vue de l'analyse intellectuelle ou psychologique, il n'y a rien de spécial, mais vous allez voir, il y a d'autres choses. Puis ça va être vibratoire, puis il y a de la mécanique de ce qu'il y a derrière la forme. Mais non, je ne vois pas ça, les auras. Oui, j'ai vu ça, je ne me souviens plus, mais ça me parle. Quoi, vous voyez, ouais, à un moment donné, Bernard, il parle qu'il est dans un avion avec sa femme, puis là, il y a des turbulences, puis il se demande s'ils vont mourir, puis là, il dit, On a encore nos ours, je suis plutôt. Vous êtes prêts pour le 24? Il faut pas oublier de faire la soupe pour les petits. Moi, la soupe aux choux. Oh, j'ai jamais été capable de l'écouter, ça, au complet. Louis de Funès, j'ai de la misère à l'écouter. Même Rabbi Jacob, j'ai jamais été capable de l'écouter. Bonne journée et soirée à tous. Bonne année. Oui, ouais, bonne année à tout le monde. Oui, le langage corporel, paraverbal. Ouais, ben, c'est que c'est une densification un peu comme la pointe d'un iceberg. Le langage, puis le système nerveux, puis quand on est à un moment donné, si on observe comme il faut, sans réfléchir, sans penser, il y a des éléments qui vont être perçus, qui sont au-delà de l'analyse habituelle, psychologique. Puis les animaux, d'ailleurs, c'est comme ça. Souvent, ils se font une idée entre eux, puis je veux dire, le chat va pas s'écraser les oreilles en disant, ben là, je suis pas content, ben, il pense pas, il a pas besoin. Ça se fait tout seul. Automatique, puis c'est pareil, l'autre chat dedans, puis bon, puis il va avoir comme ça un échange vibratoire qu'à la base, parce que là, ça finit par se densifier vers, dans des postures, mais à la base, c'est tout le temps plus subtil. T'sais, le système nerveux, c'est psychoélectrique, hein? Puis la vue, puis bon. Donc, moi, je vais y aller. Donc, bonne année. Puis, bon, je sais pas quand je devrais revenir bientôt. J'ai laissé un com, le mec qui parle de vous. Mona, elle a vu la dernière ou avant la dernière vidéo. Ah, j'ai pas vu de qui on parle là. Merci pour tout. Pour ce temps, ben, pas de quoi vraiment. Là. Régulièrement, quand j'écoute quelque chose, je le dis en même temps dans le mental. Quel est ce phénomène? Régulièrement, quand j'écoute quelque chose, ça le dit en même temps dans le mental. Ah, ben là, ça dépend. Il faudrait contextualiser plus. Bonne journée, bonne année. Bonne journée, bonne année à vous tous. Donc, bon, ben, bonne journée tout le monde. Puis on se revoit, j'imagine, bientôt, peut-être dans une semaine ou plus, là. Donc, bonne après-midi ou bonne soirée à d'autres. Ah, pas encore. Bon, va falloir que je parte là, pareil. Si on veut faire simple, on peut se poser une question. Suis-je bien ou pas? Et si pas bien trouver la solution, moi, ben, avoir l'information de pourquoi. Donc, moi, ouais, parce que c'est de l'information, hein. Pas être bien. Bonne année, Berthold. Bon, ben, bonne année. On a eu la paix dans le chat, yes. Ben, oui. Oui, c'est vrai. Donc, bon, ben, bonne journée. Au revoir.